matin j'aurai tout réparé. J'suis dans un appartement, loin de tout. Devant ma vie y'a des hauts des bas, moi j'reste dans mon DEL. J'suis dans un appartement, loin de vous. Et les jaloux qui parlent sur les réseaux, j'vous emmerde. Des fois tu mets la haine, mais tant pis je t'aime. Ça faut que tu le comprennes. Et ouais baby je traîne, que j'fais des tours de la ville. Et j'pense à toi j'promène, en ce moment trop de problèmes. J'fais mon tour à Paris, sous la pluie dans la grisaille. Et tous ceux qui t'ont parlé de moi, dis-leur bien tout ce qu'ils aillent. Ouais, j'arrive sous mon mot design, un petit vespa pas comme à l'ancienne. Avec une matraque et une gazette posée dans la selle. J'suis dans l'audimat et mat, et j'fais de l'audimat. J'me suis roulé une petite batte, y'avait des bandes de tous les 10 mètres. Et le shit faut que je diminue, ma gars, tu veux que j'rentre des minuit. Parce qu'elle a peur que j'vois des minettes. J'suis dans un appartement, loin de tout. Devant ma vie y'a des hauts des bas, moi j'reste dans mon DEL. J'suis dans un appartement, loin de vous. Et les jaloux qui parlent sur les réseaux, j'vous emmerde. Et quand j'avais pas win, personne m'a dit tiens menu. Personne m'a défauché marron quand le frangin était détenu. Et après avoir percé, ouais beaucoup sont revenus. Trop bon, trop bon, moi c'est tout ce que j'ai retenu. Tu mets la haine, mais tant pis je t'aime. Ça faut que tu le comprennes. Et ouais baby je traîne, que je fais des tours de la ville. Et je pense à toi je promène, en ce moment trop de problèmes.